بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعونا بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الدرس du livre Fadlu Rabbi al-Bariya bi sharhi Burari al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli. Allah le préserve. Alors nous sommes dans le chapitre du mariage. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans Shurutu al-Nikah, les conditions du mariage. C'est ça? Donc, la masala passée, c'était quoi? Qui veut me rappeler ce que nous avons vu précédemment? La Tanzuru fil Kitab. Ne regardez pas dans le livre. Non. Al-khitbatu ala khitbati akhi. C'est ce que nous avons vu. Aïe, madha kulna. Est-ce que nous avons dit? Non. En fait, c'est pas permis. Elle a dit là de manière absolue. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas apprendre que ton frère a demandé une sœur en mariage, il ne t'est pas permis d'aller demander cette sœur en mariage. Ou bien, il y a des conditions qui permettent d'interdire cela. Non. Non, quelles sont les conditions? Si la femme a accepté, ou bien si elle a fait un signe, hein? C'est-à-dire, ça a été vu en elle qu'elle est d'accord, mais elle n'a pas dit ouvertement. Donc, en ce moment, ce n'est pas permis aussi. C'est ce que nous avons vu. Oui. Encore, il y a d'autres? Non? La personne qui avait la demande doit être un musulman. C'est-à-dire, si un chrétien demande la main d'une chrétienne. Tu as compris? Parce que un chrétien ne fait pas la khitba d'une musulmane, d'une musulmane. Voyez? Mais s'il arrive qu'un chrétien demande la main d'une chrétienne, alors que nous, en tant que musulmans, il nous est permis de marier les femmes des gens du livre qui sont chastes, comme Allah dit dans le Coran. Voyez? Donc, est-ce qu'il est interdit pour le musulman d'aller demander cette femme? Pourquoi? Donnez-moi le dalil, la preuve qui montre que il y a 12, c'est permis d'aller demander la main de cette femme, même si on sait qu'un chrétien a demandé sa main et qu'elle a accepté. Non? Parce que les chrétiens ne sont pas nos frères. Bon, ça, c'est une réponse, mais j'ai besoin d'un dalil. Abraslan. Un dalil. Ça montre que vous n'avez pas révisé. C'est grave. Non. Al-Hassan. La preuve, c'est pas qu'on a mentionné. Il n'a pas le mouvement, c'est pas la preuve qu'on a mentionné. Hein? C'est pas la preuve que nous avons mentionnée. Quelle est la preuve que nous avons mentionnée? Ok, retenez cela, c'est le hadith d'Abu Huraira qui vient dans Sahih Bukhari et Muslim, dans une autre riwaya, les deux ont deux différentes riwayas. Wala yakhtub ala khitbati akhihi. Voici la preuve. Qu'il ne demande pas sur la demande de son frère. Est-ce que les chrétiens sont nos frères? Hein? Ils ne sont pas nos frères, n'est-ce pas? Oui. Non, j'espère que c'est compris, cette masala. Qu'Allah vous préserve. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, les conditions du mariage. قال المؤلف رحمه الله لتد ليف قال لفاس من ريكورد الدي تدليل الإمام شوكاني ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إن يبقى دو مارياج كافيك لا بريزونس دان تيتور اي دو تيموين qu'avec la présence d'un tuteur et de deux témoins. On a la page 445. 445. Pour ceux qui ont le livre et le PDF aussi, ils peuvent suivre. Wala nikaha illa biwaliyin wa shahidaini. Il n'y a pas de mariage qu'avec la présence d'un wali, c'est-à-dire l'accord d'un tuteur et deux témoins. Aïe, c'est-à-dire, la yassihu nikah. Le mariage n'est correct illa bi wali, qu'avec un tuteur wa shahidaini et deux témoins. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali. Il y a une version qui vient de cette manière sans cet ajout wa shahidain. Et cette version est rapportée par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah. C'est le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. فدل هذا الحديث ce hadith montre ici على أن النكاح لا يصح إلا بولي c'est-à-dire ce hadith montre que le mariage n'est correct qu'avec un tuteur لأن النفي هنا car la négation ici, c'est une négation de siha, c'est-à-dire du caractère correct. Ayyib, as-sihhatu bimana correct. Comme ici on dit, la nikaha illa biwali. C'est-à-dire, la nikah sahih. T'as compris? La nikah sahih, comme on peut dire, valide. C'est compris? Il n'y a pas de mariage valide qu'avec la présence d'un tuteur, c'est-à-dire que par l'accord d'un tuteur. C'est compris? Le nafiu ici, dans ce hadith, c'est quel nafiu? Le siha. De validité. C'est compris? Id anna al-asl ka la base fi nafi an yakuna lil haqiqa. Ka la base dans le nafiu. Le nafiu c'est quoi? la négation, que cela soit pour la haqiqa, c'est-à-dire la réalité. Et on va expliquer cela. Fa'idakulda, si tu dis par exemple, la khaliqa illallah, c'est-à-dire, fala wujuda khaliqa illallah, ou bien dit, fala wujuda khaliqa haqiqatan illallah. Il n'y a pas de présence d'une créature en réalité, si ce n'est qu'Allah. Hein? J'ai dit quoi? A'ouzou billah. Créature ou créateur. Al-Khaliqa, c'est créateur. Voyez. Fannafiouna, à la asli. Alors, l'agrégation ici, sur sa base, a idumi la nafi haqiqatishi. Ça retourne à la négation de la réalité d'une chose. C'est compris? Aï wujuda, c'est-à-dire sa présence. Yani la yujadu ahadun yakhluqu illallah. C'est-à-dire, on ne trouve personne qui crée en dehors d'Allah. Lakin idha ta'azzara, mais si il y a une incapacité, hadha al-asl, cette base, intaqalna ila nafi siha. On va maintenant délaisser cela pour aller vers la négation de validité. Sinon, la réalité, lorsqu'on nie quelque chose, c'est nier même la réalité de cette chose. Nafi al-haqiqa. Ça va? Mazalan, la khaliqa illallah. La khaliqa haqiqatan. Illallah. Maintenant, si dans la phrase cela a été impossible de venir avec la haqiqa, on laisse cela maintenant, on va vers le caractère valide. Ça, c'est une règle chez les usuliyin. C'est compris? لأنها أقرب شيء إلى الحقيقة. Car c'est ce qui est la plus proche des choses vers la réalité. Le caractère correct. فلو قلنا مثلا هنا, si on dit par exemple ici, لا نكاح إلا بولي. Il n'y a pas de mariage si ce n'est que par un wali. Vous allez voir, hanafaina al-haqiqata huna. Est-ce qu'on a nié la réalité du mariage? On n'a pas nié. Mais on a nié le caractère correct du mariage. Ça va? Li annahu min al-mumkin. Parce que ça peut être possible an tuzawwij al-mar'atu nafsaha. Une femme se marie elle-même. Ça peut être possible. Lakin, hala min an-nahiyat ash-shar'iyya, mais du côté de la législation, cela est batil. T'as compris? C'est batil. Ghayr sahih. Donc, fa'ad an-nafi ila as-sihha. Donc, on ramène maintenant la négation sur la validité. T'as compris? Fanakul, donc on dit, la nikaha sahih. Illa bi wali. Mais on ne va pas dire la nikaha haqiqatan illa bi wali. Là. On va seulement dire la nikaha sahih. Il n'y a pas de mariage illa bi wali. Ça va? Parce que si nous disons la nikaha haqiqatan, il n'y a pas de mariage même en réalité, si ce n'est que par le wali. C'est comme on a nié même la réalité du mariage en de tout entier. Pourtant, le wali n'est qu'une condition de caractère valide du mariage. Ok? Nam. Donc, faïda ta'azzar al-hamlu al-siha. Maintenant, si il est impossible de porter cela sur le caractère valide, nataqilu ila ta'ali, on va maintenant aller vers un troisième qui est wal-kamal, le caractère complet. ولكن لا ننتقل الى الكمال ونترك الصحه mais on va pas aller directement vers le caractère complet et on laisse le caractère valide illa iza wujida sauf si on trouve qarinatan tubayyin zalik, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut rapprocher qui va clarifier cela. Bon, il va donner l'exemple. Misalu ala zalik. L'exemple de cela. Voyez. Ici, l'exemple. Qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Bukhari Muslim du hadith d'Abu Huraira. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne fornique lorsqu'il fornique, c'est-à-dire ne fornique pas lorsqu'il fornique pendant qu'il est croyant. Le wa ici, c'est wa ul had. Hada fihi nafyun lil iman al-zani. Ici, il y a une négation de la foi. Ça va? Pour qui? Sur celui qui fornique. Al wa nafyu siha. Est-ce que c'est la négation de la validité de sa foi? Hein? La as-sihhatu mawjouda. Sa foi est valide. Correct. C'est compris? Li'annana law kunna bi innahu nafyu li-sihha. Si nous disons que c'est une négation du caractère valide, ta'arada hadha al-hadith ma hadith abidhar. Ce hadith va s'opposer, va contredire le hadith de Abidhar. C'est quel hadith? Hadith d'Abidhar qui vient dans Sahih al-Bukhari. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Zar, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui rentre au paradis, celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. قال أبو ذر أبو ذر يبدي وإن زنى وإن سرق يا رسول الله même s'il vole même s'il fornique et vole au messager d'Allah. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Abu Zar وإن زنى وسرق. Oui, même s'il vole et fornique. Donc dans le hadith لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. La négation ici, est-ce que c'est la négation de validité de la foi ou bien la négation du caractère complet? Du caractère complet de la foi, n'est-ce pas? Sinon, si on dit la, c'est la négation de la validité de la foi, ça va directement s'opposer à ce hadith, n'est-ce pas? Hatta qal, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Abu Zar, il a répété trois fois. Wa inzana wa saraka. C'est comme s'il est étonné. Même s'il vole et fornique, il va rentrer au paradis. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa inzana wa saraka. Wa inzana wa saraka. Il répète cela. Et la dernière fois maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa in raghima an fi Abu Zar. Même si Abu Zar n'a pas apprécié cela, mais il va rentrer quand même au paradis. فدل ذلك على ان الزاني cela montre ici que le fornicateur يدخل الجنه rentre au paradis في نهايه امره في نهايه امره à la en fin de compte à la fin il rentre au paradis, c'est-à-dire même s'il rentre en enfer à cause de ses péchés, في نهاية أمره يدخل الجنة. À la fin, il rentre au paradis. C'est compris? واضح? طيب. إذن, donc ici, نفي الإيمان عنه. La négation de la foi le concernant ici, c'est quel نفي? نفي الإيمان الواجب. Ça va? C'est la négation de la foi obligatoire qui te rend croyant. Hein? Nafiu, le kamal. C'est là? C'est ça? la négation du caractère complet de la foi obligatoire. Ça va? Car il faut faire la différence. Il y a iman al-wajib wa iman al-mustahab. Comme disent les savants, ils catégorisent. Le iman al-mustahab, c'est ce qui augmente la foi. Ça va? Il y a des actes qui augmentent la foi. Celui qui pose ces actes-là, alors sa foi s'augmente. Hada iman al-mustahab. Ça va? Mais iman al-wajib, c'est la présence de vie, la foi même, elle-même. Donc, si on fait la négation de cette foi-là, alors la personne n'est plus croyante. C'est compris? Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah. Inna nafya. Il dit la négation. La yati ala nafya al kamal al mustahab al batta. Il dit la négation ne vient pas à nier le caractère complet. Al-mustahab, préférable al-batta. Ça ne vient pas nier cela al-batta. La yanfillahu tabaraka wa ta'ala al-amal. Allah ne nie pas l'action. Wa yakunul ma'an al-murad min dhalika. Et le sens voulu de cela, c'est nafil kamal al-mustahab. C'est-à-dire ne nier le caractère complet préférable de la foi. Il a nafa l'amal, si Allah nie une action, fa imma ayyam fi sihata, soit Allah nie la validité, ou yam fi kamalahul wajib, ou bien vient nier ici le caractère complet obligatoire de la foi. Idan, fa nafil muradu bi kawlihi. Donc, la négation qui est voulue par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi wali. Il n'y a pas de mariage. Ça va? Il n'y a de mariage que par un wali. C'est quel nafiu? Nafiu. Ajibu. Nafiu. As-siha. Ça va? Nafiu li siha. Ça va? Est-ce que c'est nafiu li kamal? Là. Nafiu li siha. C'est compris? Donc ici, Aïla nikah sahi. Il n'y a pas de mariage correct, illa bi wali, que avec la présence d'un wali. Fayadullu zalika ala anna al wali, donc cela montre ici que le wali, shartun min shuruti sihati aqdin nikah. C'est-à-dire, c'est une condition parmi les conditions du caractère valable ou de la validité du mariage. C'est compris? Wahuna, donc ici, c'est une règle que le cheikh il a apportée. Ici, il y a kamal al-wajib de la foi. Il y a kamal al-mustahab. Ça va? Et Allah ne nie pas quelque chose et le maqsoud, c'est la négation du kamal al-mustahab. Là. Soit c'est la négation de la validité ou bien du kamal al-wajib. C'est compris? Le kamal obligatoire. Wa hunaka adillatun ukhra. Il y a d'autres preuves. Istadalla biha al-ulama, les savants ont argumenté à la shartiyat al-wali fi nikah, montrant la condition du wali, du tuteur dans le mariage. Ça va? En dehors de ce hadith. La nikaha illa bi waliyin. Voyez? Parmi ces preuves, qawluhu tabaraka wa ta'ala, la parole d'Allah. Allah dit, wa idha tullaqtumun nisaa فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Alors, ici dans le verset, c'est le verset de Surat al-Baqarah, Allah dit, وَإِذَا تُلَّقُتُمُ النِّسَاءِ. Si vous divorcez les femmes, فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ et elles atteignent leur délai. Ça va? Parce que lorsque il y a le divorce, la femme doit attendre 3 menstrues. Pour la femme qui voit ses menstrues. Pour la femme qui ne voit pas ses menstrues, c'est 3 mois. Pour la femme qui est enceinte, c'est après l'accouchement. Voyez? Donc ici, lorsqu'elles atteignent maintenant leur délai, فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ الْعَدْلُ c'est Al-Mana. Ne les empêchez pas en yankihna d'épouser أَزْوَاجَهُنَّ leur ancien époux. إِذَا تَرَاضَوْا s'ils sont d'accord بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ entre eux pour le bien et dans le bien. Ici, où est la preuve? Il montre que le wali est obligatoire pour le mariage. Naam, Abu Abdissalam. Fala ta'adulouhoun. Ne les empêchez pas. Est-ce que c'est clair, cette preuve-là? Expliquez-moi. Naam. Non, Abu Rabi. Non. Il y a quelqu'un qui peut l'empêcher de se marier. Cette personne est qui? Son wali. Parce qu'elle a dit Fala ta'adulouhunna, ne les empêchez pas. C'est-à-dire, si elle n'avait pas besoin de wali, Allah n'allait pas dire cette parole. Ça va? Donc, ici, Fadal la mala, on va lire la parole de l'imam Shafi'i. قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي اللي قال لفاس ميديريكود هي أسرح آية في اعتبار الولي il dit c'est le plus clair ça va verset dans la considération du wali وإلا لما كان لعدله معنى car ici, lorsque l'empêchement de la femme a un sens ici par une personne, pourquoi? Parce que si une personne peut empêcher cette femme de se marier, ça veut dire que la présence du wali est obligatoire. C'est compris? وَالْعَدْلُ هُوَ مَنْهُ وَلِيِّ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ التَّزْوِيجِ C'est-à-dire le adlu ici, fala ta'adulouhun. Le adlu ici, c'est l'empêchement du tuteur de la femme à la femme de se marier. Falimada yanhahu Allahu tabaraka wa ta'ala an adli al-mar'a ayman ayha min al-tazwij. Pourquoi Allah interdit au tuteur d'empêcher ou bien d'interdire la femme de se marier. Il a qu'un zawaj sihu min ghayri amrihi. Si le mariage était correct sans son ordre, pourquoi Allah va l'interdire? Dalil wadih. Allah yanhahu an dhalik, il ne va pas l'interdire cela. Illa an yakuna lahu amr. Sauf si il a une autorité. Sinon, Allah ne va pas l'interdire. فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ ne les interdisez pas. Donc, ça veut dire celui qui les interdit à quoi? Une décision. À une décision. À une wilaya. N'est-ce pas? Sinon, s'il n'avait pas de wilaya, même si on dit ne l'interdit pas, ça va changer quoi? Il est nakira, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il a une autorité. Voilà pourquoi Allah l'interdit. Surtout, si les deux sont d'accord, Parce que cela arrive souvent. Ça va? Il peut arriver que l'homme, il ait mal agi avec sa femme. Et qu'il a divorcé la femme. Maintenant, il regrette. Il veut revenir. La femme aime toujours son époux. Malgré ce qu'elle a subi. L'époux aussi aime toujours sa femme. Maintenant, s'il revient maintenant vers sa femme, il veut la reprendre. Il trouve les gens de la maison. Là, c'est peut-être parti encore. Il n'a pas vu tout ce qu'il avait. On parle. La femme, elle a l'écoute seule. Et puis elle dit, vous ne connaissez rien. Maintenant, le wali ici, celui vient, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il a maltraité ma fille. La fille dit, papa, je l'aime. On fait comment? Ah, c'est compliqué, hein? Tu as parti? Oui, papa, j'ai parti. Tu as parti? Oui, papa. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, ça m'a douce. Ça, c'est pas permis. Tant que la fille, elle est d'accord, l'homme est d'accord pour la reprendre, alors c'est ce qu'Allah avait dit ici. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا. Atarad ici, c'est l'accord entre les deux. Si les deux déjà ils sont d'accord, ils s'aiment toujours. Ça va? Donc le père ne doit pas l'empêcher. Le wali ne doit pas empêcher. Donc ici, c'est parce que le wali a une décision et qu'il est obligatoire. Voilà pourquoi il est considéré ici. Et Allah interdit au wali de ne pas s'interposer. C'est compris? Hadha dalilun sarih. Kama qala Imam Shafi. Tayyib. وأن الزواج لا يصح إلا بموافقته. Et que on doit comprendre ici que le mariage ne sera correct que par son accord, son approbation. Donc voici une preuve. وكذلك قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est de même la parole du messager d'Allah. أيما مرأتين n'importe quelle femme نكحت بغير إذن وليها qui se marie sans l'accord de son tuteur, fanika uha batilun, batilun, batil. Son mariage est nul, nul, nul. Il a répété cela trois fois. Fa indakala biha, mais s'il arrive que l'homme ait consommé le mariage, fal mahru laha, alors la dot appartient à la femme. Si jamais il arrive qu'il y a eu un mariage comme ça. Ce mariage est bâtil. Donc, on ne va pas dire, bon, comme ce mariage est bâtil, la femme n'a qu'à retourner cette dot. L'achat, il n'y a pas de doute qu'on ne le sait pas. C'est compris? Mais la dot que l'homme a déjà donnée à la femme, on ne va pas lui retourner parce qu'il a déjà touché. Ou bien, il a déjà touché la femme. Donc, on ne va pas lui retourner la dot. Donc, voilà pourquoi elle a dit Fal mahru laha bima asaba minha. C'est-à-dire, la dot l'appartient parce qu'il a touché. Fa in tashajaru. Mais s'il se dispute, c'est-à-dire, il se dispute maintenant sur la wilaya de cette femme-là. On ne sait pas si elle est un wali ou pas. Pas sultan wali yumalla wali yala. L'autorité est tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Voyez, ici le sultan prend l'autorité musulmane. Dans un pays musulman, c'est le qudha. Dans chaque ville, il y a des juges musulmans. Donc on va vers le juge, maintenant le juge prend la charge d'être wali. Maintenant, dans le pays de mécréance, les savants disent que les autorités des musulmans sont des imams. C'est compris? Car c'est eux qui dirigent les musulmans selon les principes de l'islam. Voyez? D'autres vont dire que c'est des grands imams. D'autres disent non, c'est tout imam. Alors, tous ceux qui rentrent dans le sens d'imam peuvent prendre la wilaya d'une femme qui n'a pas de wali. Hada wa sahih. Voyez? Donc, fa sultan waliyu man la waliyala. Quelles sont ces femmes qui n'ont pas de wali? La femme qui s'est convertie, dont son père et ses parents ne sont pas musulmans. Elle n'a pas de wali. Deuxièmement, la femme qui est née dans la zina n'a pas de wali. Parce que celui qui doit être considéré comme son père n'est pas son père. D'autres savants vont à dire que la famille de sa mère peut être ses wali. Mais ce qui est clair, il a saqat al wali, yantaqilu ilal ila sultan. Si le wali tombe, ça se retourne vers le sultan. À moins que l'il maslaha, le sultan maintenant ramène la wilaya dans la famille. Ça va? Le sultan dit, bon, je confie, parce qu'on peut confier la wilaya à quelqu'un d'autre. Ok? Non. Sinon, la fille qui est née hors mariage appartient à la mère. La mère ne peut pas être wali. C'est compris? Non. Vous voulez poser une question? C'est bon? La divergence sur le caractère, si la femme appartient, si l'enfant appartient à la femme ou bien au père. Là, il y a une divergence dessus. Il y a une divergence. Mais la parole que nous soutenons, c'est la parole qui dit que Al-Waladou l'Il-Firaj. Et le Firaj, c'est la femme. Voyez? Là, il y a une divergence sur la masala. Ok? Barakallahu fik. Donc, Hadil Adilla, kulluha tadullu ala shartiyatil wali fil nikah. Alors, toutes ces preuves montre ici la condition du wali dans le mariage. Alors le mariage sans wali n'est pas correct. Hada mazhabu jumhur al-ulama illa al-hanafiyya. Les hanafiyya, ils ont une parole. Ils disent que lorsque la femme est sayyib, elle n'a pas besoin de wali. Al-Qiyas, si elle s'est déjà mariée et qu'elle a divorcé ou bien elle peut se marier bidouni wali. Lakin hada kalamun marjou, c'est une parole qui n'est pas considérée. Il n'y a pas de preuve solide sauf l'analogie. Voyez? Naam. Man wal wali? Qui est le wali? Ça va? Le chef, il va donner un tartib ici, mais c'est pas le tartib que tous les savants donnent. Ça va? Mais le tartib, man wal wali al-murad fi qawli al-mu'allif. Quel est le wali qui est voulu ici dans la parole de l'auteur du livre? La nikaha illa bi wali. Al-wali huwa man yatawalla tazwij al-mar'a. Le wali, c'est celui qui se charge de donner la femme en mariage. Ça va? Wal ahabbu bidhalika. Celui qui est plus en droit, le premier wali de la femme, abouha, c'est son père. Ça y est? Mais nous, nos coutumes, hein? Oui, c'est nos coutumes, généralement, en Afrique de l'Ouest, ici. Ça va? C'est l'oncle de la femme qui est le wali. C'est pas directement le père. Souvent, le père même, il veut pas. Mais après, bon, il te dit c'est la famille, il fait comment? Très bien. Maintenant, si lui ne veut pas là, et puis l'oncle a le donné là, quand l'oncle va revenir là, ils vont le confier. On dit aussi, hein, il va faire règlement des comptes. Par exemple, si nos parents, ils aiment si un homme riche vient. Il est riche, il a l'argent. Maintenant, si l'oncle, il est jaloux là, il va dire, je ne veux pas. Il va dire, je ne veux pas. Et les autres vont parler, oui, mais il va dire, il va trouver des choses, et puis, papa, ils vont refuser. Et puis, la fille va rester en train de traîner comme ça. Maintenant, si quelqu'un vient maintenant derrière lui, sa fille, on va ramener au papa de la fille qui l'a refusé. Il va chercher les poussières de brouette même, pour donner à la fille. Pendant la brouette, de poussière rose, ta. Et puis, il va dire, lui là, non, c'est un garçon qui vient. Il vient, c'est un gruyère. Hein? Donc, ce n'est pas Sahih. Islamiquement, c'est le père. Celui qui est le wali de sa fille. Et ce que nous, on voit dans nos coutumes, quand quelqu'un vient demander la main d'une femme, on doit informer toute la famille. La famille doit faire réunion. Tout le monde doit faire ça. Hadabati. Le père peut donner son accord sans même prévenir ses frères. Il donne son accord sans même dire un mot aux autres. Il les appelle seulement pour dire, ah, Foulan ibn Foulan, ya, il est là. Telle personne est venue, il dit, mais ma fille, j'ai trouvé que c'est une bonne personne, j'ai donné mon accord. Il t'a al-Mawdou. Mais si tu fais ça là, ils vont te déposer sur fauteuil blanc dans la famille. Et puis ils vont faire cercle autour de toi. Réunion ça, là, ça va pas finir. Hein? Oui, non, l'enquête, ça c'est quelque chose de légiféré. Le wali, c'est sa wazifa. C'est sa fonction. Fais l'enquête sur celui qui vient marier ta fille. Tu ne vas pas donner ta fille à quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien, hein? Donc, on va forcément faire l'enquête. Mais Masalan, moi je donne de manière générale. Masalan, vous ici, je vous connais. Je connais vos comportements. Si l'un d'entre vous vient, il dit, ah, vous avez vu ta fille. J'ai vu ta fille. Aboukarim, je ne t'ai pas parlé. Donc, il vient. Je vous en. Ne venez pas, hein. C'est moi-même, je vais choisir. Ah. Donc, ici, si par exemple, quelqu'un a pris Fouquet, comme Abdelaziz, par exemple, il prend Fouquet, il vient. Je le connais. Est-ce que j'ai besoin de faire enquête? Non, je le connais, lui, je le connais. Il y a longtemps, on est ensemble. Et je connais aussi son adab. C'est compris? Donc, je n'ai pas besoin. Sur les champs, même, je peux donner mon accord. Je peux lui dire oui, je suis d'accord. Et j'appelle maintenant mes frères, après, je les informe que j'ai donné ma fille. Si tu fais ça, chez nous, mais c'est des choses, c'est ce que l'islam dit. Il faut que quelqu'un se sacrifie pour que dans la famille, ça soit cassé. C'est des choses qui ne doivent pas continuer. Islamiquement, c'est ce que la charia dit. Dans la charia, même quelqu'un qui vient demander, quelqu'un qui vient même sur le champ à la maison demander la main de ta fille en mariage. Tu peux lui donner ta fille, même tu lui dis va avec elle. Sur le champ. Tu lui dis tu payes combien? Comme dot. Hein? Tu lui demandes cela, tu fais combien comme d'autres? Si la fille a dit la dot, il peut même ne pas payer sur le champ. S'il a déjà donné son accord, c'est fini. Ça va? Si tu es sur la parole des savants qui disent que les deux témoins sont obligatoires, tu prends deux témoins, deux personnes, chap-chap. Hein? Tu prends deux personnes, chap-chap, devant toi. Hein? Et puis maintenant, tu dis, bon, ok, vous êtes témoin, il a demandé la main de ma fille, je l'ai donnée, même s'il n'a pas lu Khutbatul Hajj. Voilà la dot. Il peut prendre sa femme ou partir. Inta al-Maudou, venez faire asseoir les gens dans la mosquée. Il y a le mariage de Foulan ou Foulana ici. Donc vraiment, toute la mosquée va venir se remplir. On va assister dans tel mariage. Ramakan Amoujoud, c'était pas présent. Le mariage s'est célébré même dans les maisons sans que quelqu'un ne sache. Voilà pourquoi on prend des témoins. Et puis on fait un élan. On fait un élan, on dit, on annonce. Foulan wa foulan tazawwaja. Telle personne et telle personne se sont mariées. Il t'a un maudou. Tu vois? Si c'était simple comme ça, est-ce que les banniers allaient rester célibataires? Hein? Vous n'allez pas laisser célibataire. Qu'à la facilite. C'est simple, hein? Hein? Parce que c'est très simple le mariage. Vraiment, c'est simple. Mais les gens ont tellement compliqué le mariage. Hatta shabab, la zina est devenue plus facile que le mariage. N'est-ce pas? Yannana tarakna al-sharia. On a laissé la sharia. Ça va? Donc, si quelqu'un vient demander ta fille en mariage, sur le champ, tu peux faire le mariage. À l'époque des Sahaba, il y a des Sahaba qui se sont mariés et le lendemain, ils sont venus informer le prophète Rassan. Non. C'était sur le champ. Le prophète sallam a célébré ce mariage. Donc, hada huwa az-zawaj fi dinina. Voilà le mariage chez nous. Mais quand tu as mettre une date, c'est tel jour, on va faire des affiches, on va mettre ça partout, c'est réception, telle chose. Et bon, la personne, il n'a pas beaucoup d'argent. L'argent qu'il doit prendre pour dépenser avec sa femme dans la maison, vous venez prendre tout ça. Il finit de faire un mariage giga. Comme ils disent, un mariage giga. Et puis il vient boire l'eau à la maison. Il n'y a pas d'ensemble. Hein? Wallahi, le mariage est difficile aujourd'hui. Et souvent, wallahi, moi j'ai vu des cas comme ça. Le jeune veut se marier. Il va derrière une sœur. Procédure. Avant d'arriver à oui, on va donner notre fille. Il va se taper un an. Il y a un de ses oncles qui est en France ou bien en Belgique. Il dit, s'il vient, on va faire une réunion. Lui doit faire 3 mois avant de venir. Si lui vient maintenant, on dit, bon, il est venu. On va faire une réunion. Bon, on a fait la réunion, mais il n'y a pas eu de réponse favorable parce qu'il y a des oncles qui sont restés récalcitrants. Ils ne sont pas d'accord. Donc, on va essayer de les convaincre. Regardez, on va convaincre les gens qui sont déjà mariés. Ils ont leurs femmes. Ils sont couchés à la maison. Ils ont des enfants. Ils sont à l'aise. Et on doit les convaincre pour le miskin. Oui. Et il s'étape tout ce temps-là, plus d'un an. On a tenu patienter. Le frère, lui, s'en sort pas. Il dort, il regarde le plafond. C'est chaud. Non. Non. Oui, ça c'est clair, Ikhwa, ça c'est clair. Aujourd'hui, le problème des Zawadj même, ils ont pris pour mettre dans la main des femmes. Ça va? Si tu vas demander la main d'une femme, et puis, ça arrive, le papa il te dit, non, moi j'ai pas de problème, hein. Mais je vais consulter ma femme. Mon ami, si tu as la capacité, si tu as d'autres solutions, il faut te chercher. Parce que ça, là, ça va être compliqué devant. Parce qu'il a montré que la décision est dans la main des femmes. Pourtant, si on met dans la décision dans la main d'une femme, vous connaissez déjà la fin. Cela nous préserve. On ne dit pas dans tous les cas, souvent, il consulte sa femme pour juste lui dire que sa fille va se marier. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il dit, moi, il n'y a pas de problème, mais il faut que sa maman donne son accord là. Ah. L'accord du mariage de ta fille est dans ta main. Que ton époux soit d'accord ou soit pas d'accord. Il faut qu'on précise cela. C'est compris? Que ton épouse soit d'accord ou pas d'accord, c'est à toi de décider. Donc, allons sur les wali qu'on est en train de citer. Premièrement, on a dit qui? Abouha. Souma, ici, le cheikh, il dit, Jadduha lil-Ab. Son grand-père du côté de du père. Mais c'est pas ce que tous les savants disent. D'autres disent directement après son père, c'est qui? Son frère. Akhouha. Walidul Ab. Summa Ibnuha. Walidul Ab, c'est lui qui est le djad. Le père de, du père de la fille. Ça va? Ensuite, maintenant, son fils. Le fils de la femme. Summa Akhouha. Ensuite, son frère. Summa Ammuha. Maintenant vient son oncle. L'oncle qu'on met en position ici. Lui vient en quel homme? Lui vient même pas devant l'enfant de la femme. Si elle a un enfant. L'oncle ne vient même pas devant le frère de la femme. Son propre frère. Lui est avant l'oncle. L'oncle vient en dernière position. Soumal Akarabu al-Usba Nasaban. Ensuite, celui qui est plus proche de lui en termes de d'affiliation, de lignée. C'est compris? Al-Muhim wa Tartib ala Hasab al-Miras. Ce qui est le plus important, le Tartib, c'est selon l'héritage. Ma'ad al-Ab, en dehors du père. Ça va, le père, lui, il est. Lui, là, le numéro 1. Wal-Aïdad, yuqaddimuna, ou yuqaddamuna al-Abna. Les grands-pères ont devant cela sur les enfants. Soumal-Hakim. Ensuite, maintenant, si il n'y a pas, on vient maintenant vers l'autorité. C'est compris? Naam, al-Hassan. C'est la définition de djad. Non, voici Summa Jadu al-Ab, c'est-à-dire son grand-père du côté du père, c'est-à-dire Walid al-Ab, le père du de son père. C'est la définition du grand-père. Ça va? Non. C'est compris? Voici dans la charia. Et beaucoup de musulmans ne savent pas. Là, il y a un refoule. Tu vas te dire, c'est moi le père biologique, mais c'est pas moi, je peux donner ma fille en mariage. Moi, je ne peux pas selon la coutume. Tu ne peux pas aller selon la coutume. Bon, toi, selon l'islam, c'est quoi? C'est toi, tu es le premier. Voilà ce que l'islam dit, voilà ce que la coutume dit. Si on est face à ces deux-là, qu'est-ce qu'on choisit? L'islam, il y en a un musulman. Parce que nous sommes des musulmans. N'est-ce pas? Non. Shurutul wali. On va voir maintenant les conditions du wali. Non. Le wali. Cet imam peut. Je sais que c'est. Il n'y a pas de wali au fait. Maintenant, la personne qui veut marier là, c'est une autorité. Celui qui marie là. Non, non. On ne se présente pas comme wali. Le wali doit être une tierce personne. Ça va, qui n'est pas celui qui veut la marier. Hein? Sinon, si on dit ça là, beaucoup vont suivre les nafsins. Ok. Ça la facilite. Shurutul wali. Les conditions du wali, du tuteur. Wa yashariku fil wali. Il est conditionné pour le wali an yakuna dhakaran. Qu'il soit un homme. Fala yasihu an yakuna al-unsa waliya. Ce n'est pas correct que la femelle ou bien une femme soit tuteur. لِأَنَّهَا لَا يَصِيحُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا. Parce que c'est même pas correct qu'elle-même se donne en mariage. فَغَيْرُهَا مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. Alors une autre personne, c'est en plus forte raison. Si elle-même ne peut pas se donner en mariage, pourquoi elle peut donner quelqu'un en mariage? C'est-à-dire que les gens doivent comprendre dans la famille que la femme que tu vas consulter là, elle-même là, elle ne peut pas se donner en mariage. Donc, il ne faut pas la mettre dans l'affaire de mariage de quelqu'un. Non. On doit avoir son accord, on doit voir. Bon, souvent dans les problèmes comme ça, dans le cas de mariage, souvent dans certaines familles, c'est une femme quelque part là-bas qui assise là-bas qui dit, elle n'est pas d'accord. Et maintenant, on prend souvent même des imams pour aller la convaincre. Que tant qu'elle n'est pas d'accord, on ne peut pas faire le mariage. L'imada. Elle est en train de suivre son âme. Elle suit sa passion. Et vous venez la convaincre sur ça. Pourquoi? Là. Non. Par exemple, c'est compliqué, toi. Ah ouais, non, ça, c'est pas permis. Non, dans ce cas-là, Maïdous, c'est pas permis. L'homme ne doit pas faire ça. Ceux à qui Allah a donné la wilaya, on les ramène la wilaya, ce sont les zoukous, les hommes. L'homme ne peut pas dire que je laisse tout dans la main de ma femme. Et ce qu'elle va décider, c'est ça. Là. Elle va suivre sa passion. Et moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire, un homme qui vient pour marier une sœur, c'est la maman qui trouve que l'homme n'est pas beau. Elle dit, il n'est pas beau. C'est ta fille qui veut marier, c'est ton homme et c'est toi. Elle dit, il n'est pas beau. Que dans toute cette ville-là, Dieu. C'est cet homme-là d'aller trouver pour nous envoyer ici. Donc, comment il est même, rien sa tête. Voilà pourquoi on dit les femmes dévancent quoi leurs émotions. N'est-ce pas? Donc c'est très important. Non. Regarde-moi ça. Bon, ok. L'exemple que tu donnes, ça c'est clair. C'est-à-dire, on voit ça beaucoup, hein. Elle refuse que sa fille soit deuxième femme. Mais elle-même, elle est deuxième. Ça va? Ici, on peut comprendre dans un angle. Du fait qu'elle, elle subit quelque chose dans le deuxième là. Donc, elle ne veut pas que sa fille subisse la même chose. On peut comprendre cela dans ce sens-là. Mais Zayd n'est pas comme Amr. Ça va? Zayd et puis Amr, c'est pas le même nom, c'est pas la même personne. Donc ça peut marcher pour toi et ne pas marcher pour l'autre. Comme ça peut marcher pour l'autre et ne pas marcher pour toi. Ça va? Parce que les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes hommes hommes. Il y a des hommes femmes femmes. C'est-à-dire bouge comme les femmes. Ça c'est mari de quelqu'un. Il parle comme les femmes. Il se comporte comme la femme. Donc lui comme ça là, c'est pas facile qu'il gère deux femmes. Il va vouloir jouer politique mais il va aller tout gâter. Hein? Telles que les femmes, les hommes qui vont dire à leur femme, et toi, l'autre là, elle est vilaine. Elle dit, on me l'a donné seulement parce que non, c'est pas bon. Elle n'est pas, non, c'est pas elle que je voulais même. Tu vois. Maintenant, quand il va chez l'autre aussi, il dit, non, il t'a soeur. Et moi, il sait pas comment j'ai fait même quoi. On dirait, je l'ai pas bien vu avant de la marier. Bon, imagine ce genre de personnes. Et ensuite, il fait le comportage entre deux. Il veut dire, quand j'étais avec l'autre, la fois passée, elle a dit ça sur toi. Et celle-là aussi, elle a dit ça. Quand toi, tu vas au travail, là, maison, on divise en deux. Ou bien, soit si elles ne sont pas dans la même maison, là, elles vont aller se trouver sur un terrain neutre. Hein? Qu'Allah nous préserve. Donc, il y a des hommes comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut marier aussi deux femmes. Je vous préviens, je vous ai toujours dit ça ici. À radio. Homme. Hakikatan. Donc, voilà la première condition du wali. Non. Ah, yakuna, zakara. Oui, non. Par exemple, le wali est d'accord. C'est par exemple la maman ou bien un peu cousin qui n'est pas d'accord. Je veux savoir. Et que, bon, on retarde de mariage à cause du cas. Maya 12. Mais dans ce cas-là, qui est dans le péché? Est-ce que c'est le wali qui est dans le péché? C'est le wali, oui. Celui qui est dans le péché. Le wali ne doit pas retarder le mariage parce que le cousin n'est pas d'accord. Cousin, il est qui? Lui-même, il ne vient même pas dans la chaîne qu'on a mentionné. Il ne vient même pas dedans. Cousin, lui-même, il peut marier la femme. Ou bien? Peut-être qu'il essaie de retenir à cause de son intérêt. Peut-être. Deuxièmement, un yakuna baalighani. On a dit premièrement yakuna. La Karan, qu'il soit, le wali soit un homme. Deuxièmement, Yakuna Balighan, qu'il soit pubère. Troisièmement, Akilan, qu'il ait la raison en place. On ne peut pas aller prendre un fou pour dire qu'il est wali. Ou prendre quelqu'un qui est saoulé, on dit viens, on doit donner sa fille en mariage. Quand il va bien se réveiller là, Ce qui va arriver après, vous allez voir. Troisièmement, musulman. Et quatrièmement, en yakuna, musulman. Fala wilayata li kafirin. Le mécréant n'est pas wali. Naqala ibn al-Mundhir, l'imam ibn al-Mundhir a rapporté, rahimahullah, ici, al-ittifaq, le consensus, ala anna al-kafir la yakunu waliyan. Le mécréant n'est pas wali, libnatihi al-muslima, pour sa fille musulmane. Ça va? Et cela arrive beaucoup chez nous ici, souvent. Mais dans ce genre de cas, le conseil que moi je donne, c'est d'agir avec beaucoup de politique. Ça va? Par exemple, tu vas chez la famille chrétienne. Tu veux la fille. Si tu agis d'une certaine manière, tu vas présenter une mauvaise image de l'islam à ces gens. Sachant que tu sais très bien que islamiquement, ils ne sont pas walis. Islamiquement, ils ne sont pas walis. Est-ce que tu vas dire non, comme ils ne sont pas walis, moi j'ai fait mon mariage, on ne va pas les prévenir. Ou bien ils veulent pas, on va faire notre mariage. Non, on ne fait pas comme ça. Si tu fais de cette manière, ils vont prendre une mauvaise image des musulmans. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaye de parler avec eux. Même si lui, le père, il va se croire wali ou autre, l'imam devient wali de la sœur. Ça va? C'est qu'il vous demande. Pour qu'ils donnent les filles. Souvent, ils s'en foutent. Hein. Il faut donner seulement les trucs. Maintenant, il faut aller faire ce que tu veux. Ça va? Maintenant, ce qui vous demande, si ce n'est pas haram, vous les donnez. Mais si tu dis une bouteille de liqueur, et puis le koutoukou, et puis champagne, ou bien viande de porc, ou bien ces trucs-là, là, t'achèteras, n'achète pas. Mais si tu demandes de l'argent en global, alors tu leur donnes. Ça va? Cet argent, il peut prendre pour dépenser autrement, comme s'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas de péché. Parce qu'ils t'ont demandé de l'argent en global, et tu leur as donné. Mais si tu sais qu'ils ont mis dans la liste ce qui est haram, et on a demandé de l'argent, tu sais ce qu'on va l'acheter. Donc tu ne donnes pas. Il a dit simplement que l'islam n'a pas permis ça, donc moi je ne peux pas acheter pour. Mais tout ce que je peux faire, c'est vraiment d'acheter des choses. Donc tu achètes le sucre, certains trucs, vous venez les donner. Et maintenant, vous célébrez le mariage de leur fille à la mosquée avec l'imam Kongwali. C'est fini, là. Ça va? Non. Cinquième condition de wali, ayakuna aminan. Il doit être digne de confiance. Ala man yatawallaha. Il doit être digne de confiance sur la personne dont il prend sa responsabilité pour le mariage. Dadisi déteste la personne. Il n'a jamais été vraiment une personne de bien avec la personne. Chaque fois, il insulte, c'est la fille là, il insulte. Hein? Il la déteste. Il ne veut même pas la voir. Celui-là n'est pas digne de confiance. On ne peut pas lui donner la wilaya. Parce que le wali doit voir si ce mariage est un bien pour sa fille. C'est compris? وَسَيَعْدِ مِنْ كَلَامِ مُعَلِّفِ قَوْلُ لَا يُشْتَرَطَ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِيلِ. Ça va venir dans la parole de l'auteur du livre qui dit ce n'est pas une condition qu'il soit عَدْلًا فِي دِيلِ. Qu'il soit bien dans sa religion. Ça va? Parce qu'il y a d'autres, s'ils ne sont pas bien dans leur religion, ils deviennent automatiquement fasiq. Est-ce que le fasiq peut être wali? Alors ici, il y a une divergence. Mais ici, le mu'allif lui soutient que même s'il est fasiq, même s'il a des péchés, mais si c'est quelqu'un qui est connu, en tout cas, comme une personne digne de confiance, alors il peut être wali. فَيَقْفِيَا يَكُونَ أَمِينًا عَلَى مَنْ يَتَوَلَّ أَمْرَهَا. Il suffit qu'il soit digne de confiance au sujet de la personne qui veut donner un mariage. C'est-à-dire, il doit être quelqu'un qui a la shafaqa, ça va, la compassion, l'amour, la miséricorde. pour cette personne. S'il déteste cette personne, il ne peut pas être wali parce qu'il ne va pas être équitable. Ça va? C'est très important. فَالْعَدَالَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا. Alors, l'équité n'est pas une condition à la sahih. C'est ce que soutient le cheikh Ali Rambi de manière correcte min aqwali ahli al-ilm, de la parole des gens des sciences. J'avais voulu vraiment qu'on finisse cette partie. Ça va? Mais on va retarder pour les deux témoins la semaine prochaine. Il y a un ikhtilaf sur cette question. Ça va? Il y a un ikhtilaf sur cette question. Les deux témoins. Mais le mu'allif, il est sur les deux témoins. Ça va? Mais le cheikh Ali Rami, lui, il est sur le fait que les deux témoins ne sont pas une condition. Et il va apporter ses arguments. Ça va? Et parmi ces arguments, il va apporter le hadith de Anas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Khaybar, il est Yahoud, Banu Nadir et puis Banu Khouraïda. Alors, ils ont pris des captifs. Et parmi ces captifs-là, ça vient dans plusieurs rivayas, il y a un compagnon qui est venu voir le professeur Salam, qui lui a dit, je veux une djaria. Je veux une djaria, c'est-à-dire une femme, parmi les captifs. Et le professeur Salam dit, va, regarde, prends celle que tu veux. Lui, il est allé, c'est Sophie, elle l'a vu. Sophie. Parce qu'elle était belle. Très belle. Il allait prendre Sophie. Un autre compagnon est venu voir le professeur. Il lui a dit, c'est toi qui as donné Sophie à ses compagnons. Il a dit, pourtant elle est Seyida de Banu Nadir et puis Ben Khoreïda. Elle est Seyida. À l'époque, elle était connue comme Seyida. Une femme de maître. Mais elle avait aussi une beauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'amener Sophia. Et lorsque il a vu Sophia, il a dit, laisse Sophia et puis va prendre une autre. Alors Rasulullah. Et il a épousé Sophia. Il a confié Sophie à Umm Sulaym, qui est la mère de Anas ibn Malik. Et Umm Sulaym a préparé Sophia. Et il a épousé Sophia, mais il n'y a pas eu de témoin. Voyez, il a épousé Sophia, il n'y a pas eu de témoin. Les compagnons même se posaient la question, c'est Jaria ou bien c'est sa femme. Mais ils se sont rendus compte que c'était réellement sa femme lorsqu'il a mis un hijab sur elle. Il l'a séparé maintenant, c'est-à-dire la vision des compagnons de cette femme par un hijab. Et là, ils ont compris, et puis il a fait maintenant la walima. Et chacun a envoyé quelque chose pour la walima du professeur. Donc, les savants se basent sur ces hadiths pour dire que les deux témoins ne sont pas des chartes. Si c'était un chart, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire ce mariage avec deux témoins. Il y a d'autres hadiths là qu'ils apportent. Ça va? Et nous allons voir cela la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Naam. Naam. Naam. Non. Est-ce que quand ils étaient après le mariage, ceux-là, en fait, bon. Ils sont automatiquement les maharim de cette femme? Ouais. Non. C'est la wilaya seulement du mariage. Sinon, ils ne sont pas des maharim ni rien pour cette femme. Ils sont même comme les hamou, maouz. Fais attention. Oh, c'est son papa. Moi, non, non, ils ne connaissent pas. Une question dans les mensonges. Est-ce que lorsque la personne est voyée, est-ce que pendant ce temps, pendant cette période, il peut voir le visage? Il ne peut pas voir son visage si elle est en hijab. C'est-à-dire l'imam qui est wali, le wali de base c'est le père. Le père peut voir le visage de sa fille comme il veut. Soyez, mais si celui qui a été choisi comme wali, c'est Aratan, parce que ce n'est pas le wali de base, c'est parce que le wali n'existe pas que lui il est automatiquement wali. Et aussi le wali peut exister, mais il ne remplit pas les conditions. Par exemple, un père qui refuse que sa fille se marie parce que pour lui, là, sa fille doit aller à l'école. Il dit, tant qu'elle n'a pas fini les études, tous les hommes qui vont venir ici, là, je vais les chasser. Lui, il ne mérite pas d'être wali. Lui, il ne mérite pas d'être wali. Mais je précise, il ne faut pas aller provoquer quelqu'un chez lui. Ah, mais lui, il ne mérite pas d'être wali. Parce qu'il refuse de donner sa fille pour quelque chose qui est inutile. Elle doit finir ses études. Et puis quoi? Elle va gagner du travail. Elle va travailler. Elle va faire une vie comme ça. Ou bien elle va faire la zina. Subhanallah. Combien de ces femmes-là sont en train de travailler? Mais elles vivent dans la zina. Parce qu'aucun homme va accepter de le prendre comme ça dans cette situation. Ça va? Donc, c'est très important. Ici, le wali perd sa wilaya s'il refuse de donner sa fille pour des raisons qui ne tiennent pas. Shara'an, il perd sa wilaya. Non. Par exemple, ça a été le wali. C'est un exemple que tu donnes, mais c'est réellement. Tu as été wali. Maintenant, pendant que tu avais été le wali de la personne, la personne avait déjà t'a montré une bonne croyance. La personne t'a montré vraiment les dignes de confiance. La sœur, quoi? Non, c'est-à-dire, je pensais que l'homme peut être son wali, mais il t'a confié. Un homme. Un homme. Ça n'existe pas. Mais ça a été fait. Ouais. Non, les gens font ça ici. Côté Kotigi. C'est-à-dire le propriétaire de l'homme. Non. L'homme là, lui-même, il est son propriétaire. Lui n'a pas besoin de wali. Voilà pourquoi, Sharan, si toi tu vas vers une femme qui remplit les conditions pour toi. Même si ton père il n'est pas d'accord, ta mère n'est pas d'accord, tes oncles ne sont pas d'accord, personne n'est d'accord dans ta famille, il faut que ton père dise pourquoi il n'est pas d'accord. S'il avance comme argument que ce n'est pas une bonne femme, et qu'il avance des arguments prouvant cela, alors tu l'écoutes. Mais s'il avance comme argument parce que ne te voit qu'à faire faire. Moi, je ne veux pas faire mon rabbin chez moi. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'écoutes pas. Et ça ne rentre pas dans aucun couloir, dans la désobéissance du père. Parce que si tu l'écoutes, tu ne vas pas marier une bonne femme. Parce qu'il va aller criser quelque part là-bas, une ancienne blessée de guerre, quelqu'un qui est ailleurs, quelque part là-bas, et puis on prend ça pour venir te donner. Il n'y a pas moyen. Je veux savoir, le récit concernant le prophète, non. Sophie Yana. Je veux savoir, dans ce genre de cas-là, c'est quand une action devient spécifique pour le fait. Bon, certains savants sont allés dans ce sens-là. Ça va? L'action devient spécifique si Allah a autorisé. Par exemple, c'est pour les autres directement, il y a un test qui montre que c'est interdit de manière générale. Mais le prophète Sassam lui l'a fait. Alors ça devient spécifique pour lui. Tel que par exemple, de manière générale, Allah nous a ordonné de nous limiter à 4 femmes. Ça va? Mais le prophète Sassam lui l'a combien? Il a plus de 4. Donc ça montre que cet acte-là est spécifique à lui. Dounal Akharim, en dehors des autres. Ça va? Comme ça vient aussi dans le hadith d'Ibn Omar. C'était ça va mettre dans le cas des spécifiques aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha. Il a interdit de se diriger vers la Qibla ou de donner le dos à la Qibla pour uriner ou pour faire la sienne. Mais Ibn Omar, il est monté sur le toit de sa grande sœur, Hafsa. Il est monté sur son toit. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'uriner, donnant dos à la Qibla. Donc, lui, il a fait une conclusion. Il dit, c'est interdit s'il n'y a pas de barrière entre toi et la Qibla. Alors, le prophète était dans la maison. Il était dans chez lui. Donc, du coup, il y a des murs qui le barrent de la Qibla. Donc, voilà ce que Ibn Omar a fait comme conclusion. Voilà pourquoi, lorsque lui voulait uriner, il mettait sa chamelle devant lui et puis il urinait. Mais d'autres ont dit que ce texte est spécifique au prophète Hassan. Parce que le hadith d'Abu Moussa al-Ashari montre le contraire. Abu Moussa al-Ashari dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous diriger vers la Qibla, ou bien de donner le dos à la Qibla, pour uriner ou bien pour faire la selle. Il dit, voilà pourquoi lorsque nous sommes allés à Cham, qui est aujourd'hui la Syrie, et les autres pays avoisinants, nous avons vu Al-Marahid, les WC construites. Pendant Harifou, en Il-Qibla, on donnait notre droite à la Qibla et notre gauche, ou bien notre gauche à la Qibla, on astaghfirullah, et on demandait après le pardon d'Allah. Ce qui veut dire que, si on regarde des chambres jusqu'à temps, et puis c'est des marahines, il y a un mur entre ces marahines avec la Qibla. Il y a un mur. Mais pourquoi il ne faisait pas face à la Qibla? Donc ce qui est le plus aslam ici, c'est de construire les WC de ne pas faire face à la Qibla. C'est ce qui est le plus aslam, que ce soit des WC construits ou pas construits. Si tu te trouves quelque part, regarde la Qibla, ne te dirige pas vers la Qibla, ni ne donne pas de dos à la Qibla pour faire la selle ou bien l'urine. Mais je viens avec ce hadith, pourquoi? Parce que d'autres savants ont dit que cet acte est spécifique, le fait de se diriger vers la Qibla est spécifique au prophète sur la scène-là. C'est spécifique à lui. Pourquoi? Parce qu'il est interdit pour les musulmans. Mais lui-même, il l'a fait. Ça va? Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va à la dernière question, puis on s'arrête. Il est déjà là. Non. Oui. Si il finit, la wilaya c'était pour le mariage. L'imam, s'il est wali de la sœur, c'est pour le mariage. Ça va? C'est une responsabilité. Après le mariage, ils ne se connaissent pas. Ah. T'as appelé chaque fois pour dire ma fille, ça va? Ah, on est. Non. Voilà. C'est compris? Non. Ça n'existe pas. Ou bien dire, hey, ma fille. Hein, il y a des gens qui fatiguent les gens avec ça. Il a été cause seulement pour que tu maries une soeur. Ta soeur devient automatiquement lui sa fille. Et chaque fois, il dit, hey, ma fille, hey, ma fille, hey, ma fille. C'est ma gaz, il n'y a pas de problème. Mais si ça se rend à Hakika, on interdit. Ou bien, Allah nous préserve. Donc on s'arrête ici, bismillah, et nous continuons la semaine prochaine avec la masala des deux témoins. Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين